Mariam, la meilleure des femmes. Elle avait la noblesse de l'âme. Elle nous montre la voie par la grandeur de sa foi. Sa mère rêvant d'enfanter priait jour et nuit, jour et nuit. Dieu l'a exaucé et lui a donné une fille issue d'une haute lignée. Dans le bien elle fut élevée. Sur ses mains se manifestaient des prodiges prouvant sa piété. Ô Mariam, la meilleure des femmes, elle avait la noblesse de l'âme. Elle nous montre la voie par la grandeur de sa foi. Un jour béni, elle marcha vers le levant. Quand l'ange Djibril descendit, lui annoncer qu'elle porterait un enfant. Elle lui demanda, étonnée, comment elle pourrait enfanter. Puisqu'elle n'était pas mariée et qu'elle vivait loin du péché. Alors l'ange Djibril lui apprit que Dieu l'a voulu ainsi. Sa volonté s'est réalisée, nul n'aurait pu l'empêcher. Mariam s'était isolée, certains doutaient de sa chasteté. Elle a été très éprouvée, puis elle mit au monde le messager. Djibril apaisa son cœur, Dieu l'a récompensée. Pour ses adorations à toute heure, sa patience face aux difficultés, Dieu lui a accordé de porter en son sein Issa le messager. Et de par son destin unique, inspire.